Vous êtes venu chez moi. Je n'avais pas le choix. Pauvres chiens enragés, vous m'avez emmené. Quel crime ai-je commis? Celui d'avoir aimé un homme pour vous ennemi? Nous n'avions rien décidé. Lui non plus ne savait pas franchement ce qu'il faisait là. C'était un officier venu là par hasard. Dans cette France occupée, nous n'avions plus d'espoir. Comme tous ceux de son pays, toutes ces jeunesses gâchées pour défendre les idées monstrueuses des nazis. Mais sans les partager.